Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Nous sommes tous pris dans le plus grand des mystères, le fait de vivre dans le temps. Cette phrase n'est pas de Bergson, ni de son élève Jean Kelevitch, les philosophes du temps et de la durée, mais de Christopher Nolan, le cinéaste né en 1970, qui propose dans chacun de ses films une réflexion de haute volée sur notre rapport au temps. Dans les années 80, Deleuze l'avait montré, le cinéma est par essence temporel. Il est l'art qui ressaisit le mieux l'expérience du temps. Un film, c'est un morceau de durée, et Nolan ne dit pas autre chose. Un bloc de temps que l'on peut sculpter comme une matière première, et dans lequel nous pouvons allègrement voyager en avant, en arrière. C'est parti. Le temps, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de traiter dans mes films. C'est un sujet qui me fascine. Bonjour Philippe Rouillet. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je crois qu'en moins de deux minutes, avec cette chanson qu'on trouve dans la bande originale du dernier film de Christopher Nolan, Tenet, de Travis Scott, on est directement dans le cerveau de Christopher Nolan, non ? Ben c'est le principe, c'est-à-dire que c'est la musique du film, c'est Ludwig Göransson, et il a proposé à Nolan d'inviter ce rappeur pour une chanson à la fin, et cette chanson renvoie évidemment à l'épisode sur la bretelle d'autoroute. Philippe Rouillet, vous avez animé une masterclass avec Christopher Nolan à Cannes, c'était en 2018. Vous avez beaucoup de chance, hein, parce que nous, quand on a évidemment invité Christopher Nolan pour cette série d'émissions, il nous a pas répondu. Et au cours de cette masterclass, vous avez eu un échange très intéressant. On entendra des extraits, et notamment ressort, parce que je disais en tout début d'émission, le fait que pour Nolan, le cinéma, c'est d'abord du temps. On peut dire que c'est le cinéaste du temps. Complètement. C'est-à-dire que le temps est au cœur de tous ses films, et plus va, plus le temps devient sujet de ses films. C'est-à-dire qu'il a toujours utilisé le temps, parce que Nolan veut retrouver le cinéma comme sensation. En fait, il a aimé le cinéma à 7 ans. Il a aimé 2001 Odyssée de l'espace, il a aimé Star Wars, il a aimé L'espion qui m'aimait de James Bond. C'est les trois films qu'il voit quasiment coup sur coup quand il a 7-8 ans. Et les sensations qu'il a vécues très différentes avec ces trois films, il a voulu les retrouver. Et donc, l'idée, c'est ça. Et quand il débute son premier film, son premier long-métrage qui est Following en 1998, il a pas beaucoup d'argent, il fait un polar en noir et blanc, et il a l'idée de complètement bousculer la chronologie. Ouais. Pour, à ce moment-là, l'utiliser pour piéger le spectateur. Déjà. Comme il piège son personnage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les films de Nolan, on est avec le personnage. On n'en sait pas plus. C'est toujours Fabrice à Waterloo. Donc on a une expérience de l'histoire à travers le personnage. Et ça, c'est quelque chose de très particulier parce que du coup, le temps est forcément raccordé à ça. Puisque on vit et on vit dans le temps ce que lui vit en même temps que nous. Il faut le dire tout de suite, c'est pas simplement le voyage dans le temps, dire que c'est le cinéaste du temps. Alors déjà, ça pourrait s'appliquer à tous les cinéastes si on suit Deleuze, hein, disant que justement le cinéma est l'art du temps. Mais pour Nolan, on ne fait pas simplement voyager dans le temps. Le temps devient élastique et se retourne contre lui-même au fond. Et dans le dernier film, Tenet, dont on va dire un mot quand même, c'est ça, mais puissance 100 000. C'est-à-dire que le temps devient une matière qu'on peut sculpter, dans laquelle on peut voyager en avant, en arrière, et dans laquelle on se trouve le plus souvent prisonnier, spectateur comme personnage. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas un voyage dans le temps, c'est inversion du temps. Donc, vous pouvez aller en avant, vous pouvez aller en arrière, mais vous n'allez pas de côté. Vous choisissez pas où vous allez. Mmh. Vous comprenez? Il y a ce mouvement avant-arrière et la lutte est de préserver, en fait, le présent. L'idée, le grand sujet, on l'apprend dans la bande-annonce du film, hein, c'est pas à déflorer pour ceux qui l'auraient pas encore vu, c'est éviter qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Éviter que les gens du futur, fatigués, qu'on bousille la planète avec notre pollution et tout ça, nous envoient une guerre à l'inverse, c'est-à-dire finissent par nous détruire. Et c'est ça, c'est un film d'espionnage, mais qui est complètement dans l'air du temps, avec cette question de l'écologie, comme il y a la question du féminicide. Ouais. Il se trouve que le méchant est aussi celui qui veut tuer sa femme. Il décide c'est une sorte de Néron, il veut mourir en même temps que le monde et tuer sa femme. Alors que se passe-t-il dans la tête de Christopher Nolan pour nous proposer des films aussi dingues? Voici la réponse de Christopher Nolan, c'était donc à votre micro Philippe Rouillet au Festival de Cannes le 13 mai 2018 à la question mais quelle école de cinéma avez-vous fait et surtout pourquoi vous n'en avez pas fait au fond? Est-ce que c'est pour ça peut-être que vous êtes aussi fou? Voici sa réponse. Pour être clair, ce n'est pas moi qui n'ai pas voulu faire d'école de cinéma, c'est l'école qui n'a pas voulu de moi. Par dépit, je suis allé demander à mon père, qui m'a dit, va faire de vraies études, et après peut-être que tu pourras quand même la faire ton école de cinéma, ce que je n'ai pas fait au final. J'ai étudié la littérature anglaise parce que c'était la discipline académique qui me convenait le mieux. But what I found as I studied at UCL and studied English there is it greatly informed. Et en fait, j'ai réalisé que ces études m'avaient permis d'acquérir des compétences utiles pour le travail d'écriture de mes films. A lot of the literary concepts that et aussi de me familiariser avec des concepts littéraires employés dans les critiques cinématographiques. As a filmmaker, you have to struggle with to do with. Quand on est cinéaste, il faut savoir faire la distinction entre l'intention de l'auteur et la manière dont le public interprète son œuvre. Et je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais du mal avec l'idée que l'on pouvait attribuer à une œuvre un autre sens que celui que l'auteur avait lui-même attribué. Et donc, en étudiant la littérature, je me suis familiarisé avec l'idée que les cinéastes jouent avec des symboles évocateurs. Les symboles nous parlent parce qu'ils peuvent être interprétés à différents niveaux, par exemple au niveau subconscient. Et le terme est lancé au niveau subconscient, on le retrouve dans tous les films là aussi de Christopher Nolan, Philippe Rouillet. C'est intéressant de l'entendre parler de sa propre formation parce qu'il parle surtout de ses études littéraires et il dit que c'est dans le cadre de ces études-là qu'il a puisé le matériau nécessaire pour devenir cinéaste. Oui, et il faut bien comprendre qu'il écrit toujours ses scénarios, parfois avec son frère, parfois avec une autre personne, mais c'est vraiment quelqu'un qui à l'origine de ses films. C'est pas parce que vous savez, il travaille à Hollywood, vous avez toujours un certain nombre de scénarios qui se baladent et puis tout d'un coup on va jeter son dévolu et on va le développer quitte à après le mettre un peu à sa main. Lui, c'est autre chose. Il est toujours à l'origine des choses. C'est lui qui initie quitte à ce que ce soit pas possible tout de suite. Par exemple Inception, ouais. Dont vous allez parler demain. Cette semaine, en fait il conçoit le truc 10 ans avant. Et c'est les studios qui lui disent « t'es un petit peu jeune pour qu'on fasse tout un blockbuster dans le cerveau, ça va coûter beaucoup d'argent et donc tu vas commencer par faire d'autres films ». C'est comme ça qu'il se lance dans Batman et il montre qu'il peut réaliser des blockbusters, des films à grand spectacle, parce que c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que là, on parle pas d'un cinéaste indépendant qui fait des films pour 3 francs 6 sous. Ça a été le cas de son premier long-métrage, mais très vite. Et Tenet, qui est actuellement sur les écrans, je crois que c'est le plus gros budget de l'histoire du cinéma américain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive à aller voir des grands studios comme la Warner en disant « Bon, alors, je vais vous raconter l'histoire, c'est un braquage dans le cerveau de quelqu'un. C'est quelqu'un avec une inversion du temps, le futur voudrait peut-être nous balancer une guerre mondiale. Alors, il me faudrait 200 millions. » Et non seulement il les a, mais souvent il les rembourse. Enfin, et il les rembourse, mais bien sûr qu'il les rembourse, parce que il y a toujours cette sensation de spectacle chez lui. Ouais. Faut pas croire que c'est des films pour un télo coincé. C'est toujours des grands succès publics. Tenet là qui est en salle. a donné le goût de revenir aux salles, aux gens. Et il y a quelque chose en plus qui arrivait avec Tenet, moi qui m'a rempli de bonheur, c'est que le cinéma est redevenu au cœur de nos conversations. C'est-à-dire qu'on s'est mis à parler de cinéma, ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire que depuis que les cinémas étaient ouverts, bien sûr, il y avait des gens qui allaient au cinéma et tout ça, mais quand vous étiez dans le métro ou au restaurant, vous n'entendiez pas parler forcément de cinéma dans les tables voisines. Mais, et ça, ça arrive. Et ça, je pense que c'est très lié aussi au cinéma de Nolan, qui donne envie de parler. Parce qu'il y a la projection, il y a les sensations qu'on a eues pendant la projection, et après, l'envie d'aller explorer. Parce que il a lâché le mot de subconscient. Je pense que les films nous parlent à différents niveaux et on a envie d'explorer ça. En sortant de Tenet, on a envie de comparer avec ses amis notre expérience du film. Au-delà de dire qu'est-ce que t'as compris, qu'est-ce que t'as pas compris, comment on l'a vécu. Et regarder toute la littérature qui existe sur la fin d'Inception, par exemple, avec cette toupie qui tourne. Est-ce qu'elle va... Ouais. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est que ces films ne nous laissent pas en repos. Déjà, quand on les voit, ce sont des... Alors que c'est contre l'idée du blockbuster actuel. Qui a tendance à vous écrabouiller, à vous transformer en bouffeur de pop-corn, alors que là, c'est des films... C'est rarement vrai, au fond. Même ce qu'on tient pour les plus grands blockbusters invite toujours à la réflexion d'une manière ou d'une autre. Ça dépend la position dans laquelle ils ont quand même envie de vous écraser. Là, c'est une invitation à faire une partie de la route. Vous pouvez pas rester passif devant... C'est la différence avec les autres blockbusters. Si vous restez passif devant un film de Nolan, vous ne comprenez même pas de quoi il s'agit. On va beaucoup parler de Memento ce matin pour voir de quelle manière et dans quelle mesure ce film-là est à l'image non seulement de tout le cinéma de Christopher Nolan, mais surtout de sa réflexion sur le temps et sur ce qu'est le cinéma. Mais pour commencer, on va commencer avec la fin pour être fidèle au voyage dans le temps de Christopher Nolan. Tenet, donc, qui est sorti sur les écrans il y a quelques semaines. La chose qu'on entend le plus souvent à la sortie des salles de cinéma, c'est « j'ai rien compris ». Bande annonce. All I have for you is a word. It'll open the right doors, some of the wrong ones too. Use it carefully. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying I'm again here. No. Something worse. Je crois savoir que vous vous intéressez à un certain citoyen russe. Pourquoi faire appel à moi? Vous tenez à le savoir? Il peut communiquer avec l'avenir. Voyage temporel? Non. Inversion. Visez et pressez sur la détente. Vous ne tirez pas la balle, vous la recevez. Wow. Bon, j'en ai trop vu là. On va essayer de suivre le rythme. Ah, cette musique, elle est exactement à l'image du film. Philippe Rouillet, est-ce que vous faites partie de ceux qui n'ont rien compris? Mais non, parce que on peut pas dire ça. Si on accepte de jouer le jeu, à la fin du film, on a compris. Il peut y avoir des moments où on perd un peu pied, et à la fin, on a quand même compris en gros comment les choses se passaient. Alors après, normalement, on est tellement piqué au vif qu'on a envie de le revoir immédiatement pour essayer de mieux comprendre, de mieux ajuster. Mais on peut pas dire qu'on a rien compris. C'est une pause de dire qu'on a rien compris. On a quand même compris de quoi il s'agissait à la fin. Alors, plus ou moins, avec plus ou moins d'intensité, mais quand même, dites-le nous, Adèle. On a un indice, de toute façon, on l'a entendu dans la bande-annonce, parce qu'on peut parler de ce film sans tout dévoiler, hein. De toute façon, on pourra jamais tout dévoiler, mais Tenet, c'est ce qu'on appelle un palindrome. Tenet, c'est un mot qu'on lit dans les deux sens, comme kayak. Il y a d'autres mots comme ça, on peut faire des phrases palindrome. Eh bien, toute la structure du film est un palindrome, c'est-à-dire qu'il y a le passé et le futur qui se rencontrent, ça produit le film, et les personnages peuvent aller tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, ce qui est un scénario complètement dingue. Et le film, on peut le lire dans les deux sens. Et ça, je crois que c'est assez unique dans l'histoire du cinéma. Ouais. Je connais pas d'autres films palindromes. Mais c'est un palindrome qui ne se donne pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout de suite compris, même si nous, fans de Nolan, qui savons que chacun de ses films est une structure, la structure du labyrinthe, la structure du ruban de Möbius. À chaque fois, à chaque film, il y a une construction. Donc là, on se dit, s'il a choisi d'appeler ça Tenet, il va sans doute faire un palindrome. Mais on voit le film, on peut pas être obsédé par le palindrome. C'est uniquement quand on sort du film qu'on se dit, mais c'est bien sûr, c'est réellement un palindrome. Mais bon, c'est un peu compliqué en même temps. Parce que c'est un palindrome qui joue sur l'aspect temporel. L'autre chose qu'on entend aussi qui se dit de ce film, c'est qu'il est plus formel que les autres, comme s'il y avait une virtuosité qui devenait un peu gratuite, parce qu'au fond, à trop vouloir montrer qu'il y a une espèce de réflexion sur le temps, on perd un peu l'intérêt du spectateur. Alors, je crois qu'en fait, ça vient du fait que le film est moins sentimental que d'autres, moins directement sentimental que d'autres. Quand il fait Interstellar, c'est totalement bouleversant, parce que c'est le rapport d'un père et de sa fille. C'est le temps qui passe et les êtres chers qui s'en vont. Ouais. Donc là, on est au cœur du truc. Là, son modèle, c'est le cinéma d'espionnage. Il veut faire un James Bond des temps modernes. Donc, en actualisant les thèmes, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi en renversant la formule scénaristique, le canevas narratif, en jouant avec le temps. Et donc, les sensations qu'on a quand on regarde James Bond, on n'est pas chamboulé par James Bond, sa vie sentimentale, ses relations avec ses parents, que sais-je, sa relation à la vie, à la mort. Le cinéma d'espionnage type James Bond, c'est l'exaltation. C'est l'exaltation de sauver le monde. Et c'est là-dessus que travaille Nolan dans Tenet. Et enfin, moi, à la fin du film, j'ai vécu cette exaltation-là, avec quand même un truc en plus, qui est la découverte de ce qu'est l'amitié. Et ce qui me rend le film particulièrement touchant, la dernière séquence est une allusion directe, enfin l'avant-dernière séquence est une allusion directe à la fin de Casablanca. Vous vous souvenez, Humphrey Bogart part avec Claude Reims. Il a sacrifié sa vie pour la femme qu'il aime, qui était Ingrid Bergman. Il la laisse partir avec son amoureux et pour le bien de la résistance face aux nazis. Et il dit à son ami Claude Reims, c'est le début d'une grande amitié. Mmh. Et là, c'est ce que va dire le personnage de John David Washington à Robert Pattinson, sachant que c'est compliqué parce que avec le jeu temporel, pour l'un c'est le début et pour l'autre c'est évidemment la fin. Voilà, ce qui montre bien que la plupart des films de Nolan sont vraiment extrêmement féconds pour la réflexion. Ils soulèvent énormément de thèmes différents. C'est ce qu'on va faire cette semaine. On va parler de la trilogie Batman, on va parler d'Interstellar, on va parler d'Inception, avec des profils différents justement, des philosophes, des scientifiques, pour montrer à quel point ces films-là nous mettent face à une partie de la réalité qu'on n'a pas forcément envie d'explorer. On y reviendra dans un instant. Je vous propose qu'on continue cette discussion en écoutant un extrait du film Memento, qui date de 2000. Le personnage principal souffre d'amnésie. On appelle ça l'amnésie antérograde, ce qui fait qu'il ne se souvient que de ce qui s'est passé avant un incident traumatique et que, depuis, il ne fait que vivre avec une mémoire extrêmement courte, ce qui fait qu'il ne sait jamais qui il est ni ce qu'il fait, et ça donne lieu à des scènes un peu cocasses. Hi. Hi. I'm Mr. Shelby from 304. All right, what can I do for you, Leonard? Bert. I'm not sure. I think I may have asked you to hold my calls. You don't know? Well, I think I may have. I'm not too good on the phone. Right, you said you like to look people in the eye when you talk to them. Yeah. Vous aviez oublié? C'est mon état qui veut ça. Votre état? Oui, c'est ma mémoire. Amnésie? Non, c'est pas de l'amnésie. J'ai pas de mémoire à court terme. Je sais comment je m'appelle, qui je suis. Mais je retiens plus rien suite à une blessure. Tout s'efface. Si cette conversation dure un peu trop, je saurai bientôt plus comment elle a commencé. Et quand on se reverra, j'aurai complètement oublié qu'on l'a eu. Et même, je saurai plus si je vous connais ou pas. Alors si je vous semble un peu bizarre, impoli, ou... Je vous l'ai déjà dit, peut-être, c'est ça. Oui, excusez-moi, c'est pas que je mette en doute, mais... C'est quand même curieux. Vous me remettez pas du tout? Non. Ça fait un paquet de fois qu'on se parle. Je m'en doutais, oui. C'est quoi la dernière chose que vous vous rappelez? Ma femme. Et ça fait quel effet de... Comme quand on se réveille. T'en émerges du sommeil. Ça doit être gonflant. Je veux dire, c'est le monde à l'envers, quoi. Vous pouvez éventuellement savoir ce que vous allez faire, mais jamais ce que vous venez de faire. C'est exactement le contraire de moi. Je suis là depuis combien de temps? 2 jours. Et vous me passez aucun coup de fil? Comme vous me l'avez demandé. Bon. Pour lui, faites une exception. Vous le connaissez? C'est votre ami, oui. Pourquoi ce serait mon ami? Je vous ai vu ensemble, c'est tout. C'est pas mon ami. D'accord. S'il appelle ou s'il se présente, vous m'appelez dans ma chambre, d'accord? Il s'appelle Teddy. Teddy, oui. D'accord. J'espère que mon état vous pose pas de problème. Non, aucun. Tant que vous n'oubliez pas de payer. Ah, oui. D'accord. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Christopher Nolan, le cinéaste. Cette semaine, on rentre dans sa tête, dans son cerveau. Et qui voit-on lorsqu'on y est, lorsqu'on se situe en son cœur? Eh bien, d'abord, on ressent un certain malaise. C'est peut-être le premier mot qui peut venir quand on découvre ce film Memento, où le personnage principal souffre donc de plus que de perte de mémoire. Il dit que c'est pas de l'amnésie, mais au fond, il ne se souvient de rien. Il n'a aucune mémoire à court terme. Et là où Nolan est génial, Philippe Rouillet, c'est qu'au moment où le spectateur découvre ce personnage, en fait, il est lui-même dans la même situation. Il ne connaît pas la personne à qui parle le personnage, si bien que le personnage souffre d'amnésie, le spectateur est juste spectateur, et on se demande si, au fond, Nolan ne joue pas de ça. Son personnage principal est comme un spectateur de cinéma qui découvre un film pour la première fois. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que son idée, c'est de nous faire vivre ce que vit le personnage. Alors, ouais. Vous allez me dire, c'est fou ça, parce que comment, nous, spectateurs, qui avons quand même notre tête, on peut éprouver cette sensation d'amnésie, d'avoir oublier ce qu'il vient de voir. Quand on est au cinéma, on se souvient quand même de la séquence qu'on vient de voir. Eh bien, pour nous faire vivre ce que vit le personnage, la seule solution qu'a trouvé Nolan, c'est d'inverser le récit. C'est-à-dire que le récit va à l'envers. Et donc, la scène suivante, celle qu'on vient d'écouter, se situe chronologiquement avant. Ouais. Donc, comme on n'a pas encore vu ce qui suit, et que c'est ce qui arrivé précédemment au personnage, on est comme lui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se retrouve face à des gens et on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas si on les a déjà vus, si on a déjà vécu des choses avec eux. Et ce qu'on éprouve à ce moment-là, c'est le vertige de la vérité et du mensonge. Oui. C'est-à-dire que les gens vous disent des choses, par exemple là, le personnage qui est un réceptionniste d'hôtel lui dit « mais oui, on s'est déjà vu plusieurs fois, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ?» Nous, spectateurs, on peut même pas savoir. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui le manipule, et c'est vrai, ça peut paraître dérisoire pour un réceptionniste d'hôtel, c'est beaucoup plus inquiétant quand c'est un flic, son fameux camarade Teddy, qui lui explique « oui, alors là, t'as tué quelqu'un, tu vas faire ci, tu vas faire ça ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Parce que tout s'est arrêté au moment de l'agression de sa femme. Et il y a les souvenirs de la vie d'avant, et au fur et à mesure, il oublie tout. Alors, son idée, c'est de prendre des notes pour quand il va de nouveau retrouver sa conscience, pour que tout ce qu'il a fait ne soit pas totalement effacé. Donc, le personnage se balade avec un Polaroid, il prend des photos sur lequel, donc un développement instantané, sur lequel il peut mettre des annotations sur les gens qu'il photographie, et puis il se tatoue des choses sur le corps, en se disant, il y a toujours un moment où je vais me déshabiller, me laver, être devant la glace, je pourrais voir ce que j'ai écrit, mon corps devient un bloc-notes. Sauf que comment lire les messages, et lui-même peut se mentir. Lui-même peut décider de se mentir, parce que très vite, le personnage a la connaissance de ça, que dans 10 minutes, il aura oublié. Même pas 10 minutes, je crois. Hein. Si. Ouais, ça dépend des scènes. Hein, parfois, on a l'impression que dans très peu de temps, ouais. Il aura oublié ce qu'il est en train de vivre. Donc, s'il se met à lui-même une note qui est mensongère, il aura oublié qu'elle est mensongère quand il va la lire. Donc, il y a de l'auto-manipulation. Donc, vous voyez comment s'ouvre le vertige total du récit. Et ce qui est fou dans ce film, qui est très proche finalement de Tenet, parce que dans Tenet, on va en avant et en arrière avec cette histoire d'inversion du temps. Eh bien, ce qu'on vit dans Tenet avec les objets et les choses, on le vit dans Memento avec les scènes. C'est-à-dire qu'il y a ces scènes qui vont où on commence par la fin de l'histoire et on va dans le contraire de l'avancée du temps, on va à l'arrière, mais en même temps on a des scènes en noir et blanc qui elles vont à l'avant. Donc la fin du film, c'est le milieu de l'histoire, c'est le moment où le noir et blanc devient la couleur. Et si vous revoyez Tenet, vous apercevrez que la séquence d'ouverture est comme Tenet, c'est la seule scène où les choses sont inversées, où d'ailleurs on voit tirer sur un homme, et la balle revient dans le pistolet, exactement comme dans Tenet. Alors, c'est fait, il y a moins de moyens, c'est plus bricolé, et la différence, c'est que par rapport à Tenet, le son n'est pas inversé. Dans Tenet, il y a les séquences où les acteurs ont appris à l'inverse. Ils ont eux-mêmes joué à l'envers. Ouais. Et ils ont joué à l'envers, et ils ont dû parler à l'envers, et Ludwig Göransson a fait jouer sa musique à l'envers. c'est y a cette idée réelle d'inversion. Là, c'est plus bricolé au début de Memento, mais c'est aussi pour expliquer le fonctionnement du film au spectateur et pour pas le dérouter tout de suite, le son, lui, allait à l'avant. Mais en même temps, le son qui va à l'avant, l'image qui va en arrière, c'est à l'image de la construction de ce film où le noir et blanc va en avant et les scènes en couleur vont en arrière. Ce qui est assez intuitif quand on regarde Memento, si ça paraît compliqué à l'écoute, quand on présente le truc du film, c'est en fait assez simple pour celui qui regarde. Et d'ailleurs, cette clé de lecture, c'est le personnage joué par Clémence Poésie qui nous la donne dans Ténet, où elle dit bien à celui qui va découvrir que le temps peut aller dans les deux sens, elle dit mais dès que tu essayes de comprendre, tu ne comprendras pas, c'est instinctif. Et ça, je crois que c'est il y a un rapport intuitif autant qu'est la clé de lecture. Et je crois qu'il y a un rapport intuitif aussi, Mme Nohan. C'est ça. Qui est la clé de lecture. C'est-à-dire que ces concepts. Faut pas essayer de vouloir trop voilà, tout comprendre. Ces concepts sont très. Et souvent, ils travaillent, je pense que vous allez en parler à propos d'Interstellar, ils travaillent avec un astrophysicien qui est Kip Thorne, qui a aussi mis son œil dans Ténet et tout ça. Mais tout ça doit être très construit pour que ce soit très ludique quand on le voit et très intuitif. On n'a pas besoin de comprendre l'entropie des objets pour regarder Ténet. On voit très bien les résultats et finalement, c'est plus facile à voir qu'à lire en termes de scénario où on se demande... le cinéaste dont on peut le rapprocher, c'est Alain René et ses expériences du temps. C'est-à-dire que quand on regarde un film comme On connaît la chanson, où on dit bah les gens vont parler avec les tubes des années, machin, avec des chanteurs, on se dit mais c'est quoi ce film théorique ? Et quand on regarde On connaît la chanson, c'est un film qui coule tout seul et qui a été un des plus grands succès publics de René. Et Nolan, c'est ça. C'est-à-dire que ces films peuvent paraître des concepts très très compliqués, scientifiques, philosophiques, presque métaphysiques. Et en même temps, quand on les voit, ouais, c'est avant tout le plaisir du récit. Alors on va plonger au sein de ce personnage donc de Memento qui n'a plus de mémoire et on va voir dans quelle mesure est-ce que ce que l'amnésie produit est une forme de scepticisme général à l'égard de soi, d'autrui et du monde. Quand on doute de tout, que reste-t-il de l'identité personnelle ? Ma femme doit être vengée, que je m'en souvienne ou pas, aucune importance. C'est pas parce que j'oublie que mes actes n'ont pas de sens. Quand on ferme les yeux, le monde cesse pas d'exister. Cela dit, je ferais peut-être une photo pour m'aider à me souvenir. Et un étrange tatouage de plus. Léonard, tu as décidé de m'aider. Fais-toi confiance, fie-toi à ton jugement. On peut toujours tout mettre en question, on n'est jamais sûr de rien. Il y a des choses qu'on sait de façon certaine. Lesquelles ? Je sais le bruit que je vais produire en faisant ça. Je sais que ce cendrier pèse un certain poids. D'accord ? Des certitudes. Il y a une mémoire qu'on ne remet pas en question. Je me suis trompé sur Samy. Et je me suis trompé sur sa femme. L'argent ne l'intéressait pas. Elle ne cherchait qu'à comprendre son problème. Son cerveau était réfractaire au conditionnement, mais c'était pas un escroc. Quand elle le regardait dans les yeux, elle était persuadée qu'il pourrait redevenir comme avant. Moi, dans ses regards, j'avais vu des signes de reconnaissance. Aujourd'hui, j'ai compris. On sait qu'il faut qu'on reconnaisse la personne... Alors on fait semblant, on bluffe pour faire plaisir aux médecins. On joue la comédie pour paraître moins anormal. Je constate que je passe d'état en état. J'ai chaud ou j'ai froid, je suis gai ou je suis triste, je travaille ou je ne fais rien, je regarde ce qui m'entoure ou je pense à autre chose. Sensation, sentiment, volition, représentation... Voilà les modifications entre lesquelles mon existence se partage et qui la colore tour à tour. Je change donc sans cesse. Mais ce n'est pas assez dire. Le changement est bien plus radical qu'on ne le croirait d'abord. Je parle en effet de chacun de mes états comme s'ils formaient un bloc. Je dis bien que je change, mais le changement m'a l'air de résider dans le passage d'un état à l'état suivant. De chaque état pris à part, j'aime à croire qu'il reste ce qu'il est pendant tout le temps qu'il se produit. Pourtant, un léger effort d'attention me révélerait qu'il n'y a pas d'affection, pas de représentation, pas de volition qui ne se modifie à tout moment. Si un état d'âme cessait de varier, sa durée cesserait de couler. Mon état d'âme, en avançant sur la route du temps, s'enfle continuellement de la durée qu'il ramasse. Il fait, pour ainsi dire, boule de neige avec lui-même. La vérité est qu'on change sans cesse et que l'état lui-même est déjà du changement. » Christopher Nolan à Henri Bergson, même combat contre le mythe de l'identité personnelle. Je vous avais entendu Philippe Rouillet dans ce texte lu par Vincent Schmitt. Bergson dit bien qu'au fond, je passe d'état en état en permanence, qu'il n'y a pas un socle, un noyau stable autour, que je pourrais appeler le moi autour duquel les changements peuvent graviter. Non, au fond, mon identité est toujours suspendue à un présent qui est sans cesse fuyant. C'est exactement ce qui arrive au personnage de Memento, celui qu'on peut appeler Léonard, et qui lui souffre d'une maladie, mais au fond, c'est notre condition à tous, nous dit Nolan et nous dit Bergson. Et alors le personnage de Léonard a choisi pour s'en sortir de dire « moi je suis le vengeur de ma femme ». Ouais. Et en fait, ça devient ça, son unique raison d'être, et tout va changer autour de lui, mais l'idée c'est qu'il continue ça. Et donc le but, c'est que cette vengeance ne soit jamais assouvie, puisque cette vengeance s'est confondue avec sa vie. C'est-à-dire que pour lui, c'est le confort est d'avoir cette raison de vivre. C'est ça. Évidemment, ça nous renvoie à tous pourquoi on vit, à quoi on s'accroche, qu'est-ce qui compte dans nos vies. Et ce qui est extraordinaire, c'est que au fur et à mesure que le film avance, on s'aperçoit qu'il va détruire tout ce qui peut le détourner de cette quête. C'est-à-dire comme quelqu'un qui verrait la réalité avec une grille et qui va détruire tous les éléments qui ne rentrent pas dans cette grille. Il a décidé que sa vie était ça, et c'est une manière de se rassurer, mais en même temps, c'est une manière de rassurer où on voit bien que à quel point notre vie est fragile, puisque elle n'est que sur une volonté qui est éprouvé chaque jour par le réel. C'est ça, c'est quelqu'un qui se dupe lui-même, qui a besoin du mensonge pour avancer au fond. Et du coup, qui doit manipuler son entourage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment tous les gens qui gravitent autour de lui essayent de le manipuler. Alors, faut pas oublier que nous, on est dans sa peau. Mais on comprend bien, on conçoit bien que les autres, mais comment cette jeune femme qu'on a entendu parler dans l'extrait qui s'appelle Nathalie, qui est jouée par Karine Malmos, comment ce flic qui s'appelle Teddy va le manipuler, c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, et on est dans une vraie partie d'échec, et on est avec le personnage qui lui aussi veut duper les autres, et ce qui est très troublant, c'est le moment du film où on comprend qu'on se dupe soi-même. Ouais. Et ça c'est quelque chose de vertigineux, et là encore Christopher Nolan nous entraîne là où on ne souhaiterait pas forcément aller. C'est-à-dire que dans ces films, il y a toujours l'impression que, on va aller d'un point A à un point B, même si on le fait dans l'ordre inverse du temps. Et en cours de route, on s'aperçoit que le sujet, ce n'est pas ça. On croyait qu'on était parti pour une aventure de James Bond quand on voit Tenet, et on s'aperçoit que c'est bien plus compliqué que ça. Vous avez prononcé le terme, Philippe Rouillet, manipulation. C'est ainsi que le spectateur peut se sentir face à certains films de Nolan, même ceux qui paraissent a priori dénués de toute forme de manipulation. Ça m'a fait penser, en revoyant les films de Nolan pour cette semaine, il y a des moments où je me suis sentie tellement mal que j'ai pensé à Haneke, cinéaste auquel vous avez consacré un livre, avec lequel vous avez fait un entretien également, qui est disponible sous forme d'ouvrage. Haneke, qui est aussi connu pour ça, je pense à Funny Games notamment, où le spectateur peut ne pas du tout avoir envie de rester, d'autant plus que le personnage va s'adresser directement à lui, en lui disant « Ah bah tu veux regarder le film ? Bah tiens, reste là, je vais te montrer la suite. » Ce qui est quelque chose de dingue en fait, le moment où on se rend compte qu'il n'y a plus de distinction entre le film qu'on voit et la réalité dans laquelle on vit. Nolan fait ça aussi. Est-ce que ce parallèle tient selon vous entre... Oui, moi je trouve que ce parallèle est très excitant. Il a été il n'a pas été du tout employé, je l'ai lu nulle part. Mais dès l'instant que vous en parlez, Adèle, ça me semble tellement, tellement juste. Et les deux cinéastes, en fait, veulent absolument que le spectateur, alors qu'on peut les traiter d'être des gens froids et intellectuels, c'est aussi ce qu'on reproche à Nolan, on reproche aussi à Haneke. Au contraire, ils ne veulent que le spectateur ait une expérience intense. Et pour ça, il faut remettre en question tous ces présupposés et ces habitudes de spectateur. Et donc, ça peut passer, comme vous le dites, par l'adresse, le regard caméra et l'adresse au spectateur. Et dans ce même Funny Games, souvenez-vous, il y a aussi l'inversion du temps. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a ce moment une des victimes réussit à prendre à tuer un de ses adversaires et le complice prend la télécommande et remet le film qu'on est en train de voir en arrière et pour cette fois-ci revivre la séquence et il est prévenu et il peut empêcher qu'elle s'empare d'un fusil pour tuer son complice. C'est-à-dire que là encore, des spectateurs ont dit « mais c'est pas possible, on est en train de regarder un film, on peut pas nous remettre une scène en arrière pour réinventer le film qu'on est en train de voir ». Mais pourquoi non ? Pourquoi non ? Le cinéaste a tout pouvoir. Et évidemment, tout remonterait à Hitchcock, qui était le roi de la manipulation. Et Et ce que dit la conclusion du film Le Prestige de Christopher Nolan, qui est un film qu'il a fait, qui est presque son discours de la méthode, puisque c'est un film sur les magiciens. Et c'est évidemment un film sur le cinéaste comme magicien. La conclusion du film, c'est là encore un personnage qui s'adresse à un autre, mais c'est comme s'il s'adressait au spectateur. Vous aimez vous faire berner. Vous aimez vous laisser berner. Et c'est pour ça que vous allez au cinéma. Et la première phrase du Prestige, c'est « Est-ce que vous regardez bien attentivement ?» Est-ce que vous regardez bien attentivement? Et c'est ce que pourrait dire Nolan. C'est la phrase du magicien qui est en train de faire un tour de magie, qui attire l'attention sur un claquement de doigts alors qu'il est en train de faire sortir une colombe du chapeau. Ben, c'est exactement ça. Et par exemple, un film comme Tenet, qui est tellement riche, moi qui suis quand même professionnel du cinéma, dont mon métier est de voir des films, eh bien, j'ai découvert des plans en revoyant le film que je n'avais pas vu la première fois. Vous l'avez vu deux fois, Tenet? Je l'ai vu deux fois. Et la deuxième fois, j'ai vu des plans que je n'avais pas vu la première fois. Ils étaient bien là. C'est pas que le cinéma a changé la copie entre temps. Mais la première fois, j'étais tellement pris parce que Nolan voulait me montrer qu'il y a des choses qui étaient là, en plein milieu de mon regard, et que je n'ai pas vues. Et la deuxième fois, libéré d'un certain nombre de choses, notamment par rapport à l'histoire, je savais comment ça allait, mon regard pouvait être beaucoup plus libre. Et tout d'un coup, regardez ailleurs que là où il donnait un coup de coude pour regarder. Comme quand vous regardez un tour de magie, vous savez très bien que le magicien va vous montrer un truc alors qu'il faudrait regarder ailleurs. Mais à chaque fois, vous vous laissez emporter. Le cinéma, l'intérêt du film, c'est qu'il est, figé une fois qu'il est monté. Et donc, si vous le revoyez, vous pouvez vous forcer à regarder autre chose. Et là, c'est très particulier d'avoir une deuxième vision qui est comme une première vision. C'est-à-dire que vous découvrez des choses que vous n'avez pas vues. Et du coup, vous découvrez un autre film. Vous apercevez qu'il y a un autre film dans celui que vous avez vu. Mais ça va très très loin, ce parallèle entre le cinéma et le cerveau, au fond, parce que c'est ça que nous sommes en train de dire. Si la manipulation fonctionne aussi bien, c'est que ce que nous montre le film est très très proche de ce que nous vivons cérébralement, au fond, notre mode de perception. Dans l'extrait qu'on avait entendu tout à l'heure, qui montrait un montage de trois extraits de Memento, dans lequel le personnage doute de lui-même, doute d'autrui et doute du monde, je disais qu'on est en plein scepticisme, et ça veut dire qu'on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux, on ne sait plus si on existe vraiment. On ne sait pas si le personnage qu'on a devant les yeux existe vraiment, ni si nous sommes finalement tous des acteurs. C'est une vraie réflexion sur ce qu'est le cinéma. Quand le malade dit, mais finalement, quand on est amnésique, c'est pour faire plaisir au médecin, on fait semblant de le reconnaître. C'est aussi une définition du rôle de l'acteur. Quand le personnage dit, mais de quoi sommes-nous vraiment sûrs, qu'il tape la table? Il dit, voilà, il y a des choses dont on ne peut pas douter. Ben, c'est exactement l'expérience que fait le spectateur face à un film où il se dit, mais attendez, où est la réalité? Où est la fiction? Au fond, il y a une mise en abîme perpétuelle du cinéma et de la réalité dans les films de Nolan. Ah ben, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que constamment, chacun de ces films nous remet devant le fait qu'on est en train de voir un film, cette expérience-là. Et inversement, quand il fait son film sur les magiciens, il raconte ce que c'est qu'être metteur en scène. Et par exemple, dans Tenet, il y a ce plan vers la fin, quand il y a un grand assaut final, où on est dans la salle avec les officiers qui font un plan et qui disent, alors les uns viennent en avant, les autres viennent en arrière. C'est Christopher Nolan qui explique à son équipe technique. C'est ça. Comment il va régler cette scène de cascade, puisqu'on y voit des choses qui sont... dans Tenet, on voit des images qui défient la raison. Puisque dans la même image, on voit des gens qui vont en avant et des gens qui vont en arrière. C'est pas qu'ils reculent, c'est il y a des gens qui font l'expérience du temps en avant et les gens qui viennent du futur, qui reviennent dans le présent, mais dans le même cadre. Et ça crée une image qui n'existe pas. On peut avoir des images comme dans Memento. Il y a une scène en avant, une scène en arrière, et là c'est dans le même plan. Bon, mais voilà, mais c'est le prodige que réussit à faire le metteur en scène. Et on pourrait dire effectivement que Memento c'est un film sur l'acteur. À chaque scène, on va le conditionner différemment et comment il va réagir. Il doit apprendre son texte comme le personnage. Voilà. Ouais. Et comment il peut jouer, comment et il y a ce qu'on attend de lui. Ce que le metteur en scène attend de lui, ce que le spectateur attend de lui, et ce qu'il est réellement. Et l'acteur, c'est ça. C'est réaliser cette marge. Le personnage de Memento est un acteur pris dans sa propre histoire. Et au fond, si on suit la logique de Nolan jusqu'au bout, peut-être avons-nous besoin du cinéma, justement, comme le personnage a besoin de s'inventer un puzzle pour survivre. Au fond, on a besoin du cinéma et de la fiction que nous propose le film pour conjurer l'absurdité de notre propre existence. Au moins, au cinéma, il y a une clé à chercher. Exactement. Alors que dans la vie, il n'y en a peut-être pas. The structure of Memento is la structure de Memento est extrêmement linéaire. On a tendance à le décrire comme un film non linéaire, mais ce n'est pas le cas. C'est un film très linéaire, mais raconté à l'envers. Et c'est pour cette raison qu'on ne pouvait pas éliminer une scène ou changer l'ordre des scènes. Et on a travaillé ça dès la phase d'écriture. Il fallait que tout soit clair dans le scénario. Et quand on en est arrivé au montage, on a surtout travaillé le rythme de chaque scène individuelle. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on travaille avec des structures non chronologiques telles que je les ai utilisées, on a une large possibilité de choix pour combiner les séquences au montage. Quand est-ce qu'il y a problème de temps ? Il y a problème de temps, c'est pas difficile. À partir du moment où le temps est abstrait de la forme de la succession. Je dis qu'un cinéaste ne s'intéresse pas au temps si tout ce qui concerne le temps chez lui emprunte et se conforme à la forme de la succession. Et j'entends par forme de la succession, même avec flashback, même avec retour en arrière, le retour en arrière, le flashback n'a jamais rien compromis à la forme de la succession. Les auteurs qui utilisent le flashback, tout ça, sont des auteurs qui n'ont rien à voir avec le temps, même s'ils ont du génie à d'autres égards. Avoir affaire avec le temps, c'est bien autre chose. Et c'est le philosophe Gilles Deleuze qui vient éclairer les propos de Christopher Nolan, Philippe Rouillet. Deleuze qui lui dit très justement, au fond, montrer que le cinéma est une affaire du temps, c'est pas avec le flashback qu'on va le comprendre, au fond. Et c'est ce que, là où Nolan est un génie, c'est qu'il ne procède pas au flashback. Il est vraiment dans l'étirement du temps. Mais ce qu'il montre, ce que son cinéma montre, et Deleuze va dans son sens, c'est que le temps n'est pas une simple succession. On croit que le temps, c'est une succession de secondes, qui a un point A, un point B, comme vous l'avez dit, et que le film, comme le temps, va du point A au point B. Nolan nous montre que c'est pas du tout le cas. Et ça, on ne veut pas, on en revient à la manipulation cérébrale, on n'a pas du tout envie d'admettre que le temps n'est pas qu'une succession, parce que du coup on sait pas ce que c'est, et on s'y sent perdu, et on se sent presque pris en otage. C'est là où le parallèle avec Haneke est très juste. C'est-à-dire que ce sont des cinéastes qui nous mettent là où on voudrait pas aller. C'est-à-dire que leurs films nous font vivre des expériences sur lesquelles on pourrait être rétif, sauf qu'on est dans la salle et on est embarqué et on est obligé de suivre leur raisonnement. Et ce qui est intéressant chez Nolan, c'est que petit à petit, le temps qui au départ était un élément sur lequel il construisait son art du récit, voire sa mise en scène, devient le sujet. C'est-à-dire que l'inversion du temps est le sujet de Tenet, comme le temps replié était le sujet d'Interstellar. Et au point que quand il fait son film de guerre qui est Dunkerque, qui lui aussi est linéaire, sauf que il est linéaire mais avec trois timelines. C'est-à-dire que il raconte trois histoires. Vous savez que Dunkerque, c'est cette opération Dynamo, c'est ces Anglais et ces Français qui sont coincés à Dunkerque, encerclés par les nazis, et la seule solution, c'est de les renvoyer en Angleterre, où ils vont pouvoir après revenir à l'assaut, se replier pour pouvoir continuer la guerre. Sinon, ils vont se faire écrabouiller par les Allemands. Mais c'est pas facile de les évacuer. Donc il y a les Troufions qui sont sur la plage et ils vont mettre une semaine à être évacués. Après, il y a ceux qui sont en bateau. Et donc, c'est les bateaux qui partent de Douvres et qui vont chercher à Dunkerque. Et là, l'aller-retour, c'est une journée. Et il y a ceux qui sont en avion et ça dure une heure. Donc, dans le film, on passe constamment d'un point de vue à l'autre et on a cette triple temporalité constamment d'un raccord à l'autre. On passe à une autre expérience du temps. C'est-à-dire que la même histoire est racontée sur une semaine, un jour et une heure. Et si bien que on se retrouve avec des séquences qui vont se passer plus tard. Tout dépend de la timeline qu'on utilise. En apparence, tout est facile, tout est clair et donc le film est facile à suivre, mais c'est un véritable vertige. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il l'utilise pour en faire un film, non pas un film de guerre, mais un film de survival. Oui. C'est-à-dire qu'il raconte ce que raconte un soldat à la guerre. C'est-à-dire comment je vais pouvoir en sortir, tuer peut-être des ennemis, mais surtout ressortir vivant pour continuer à me battre. Et c'est cette expérience inouïe qu'il offre au spectateur et qu'on n'a, là encore, pas forcément envie de vivre. Est-ce que c'est le propre de... A-t-il fallu attendre Christopher Nolan pour faire ce type d'expérience ? Dans quelle mesure est-ce que c'est novateur dans le film, dans le cinéma ? Ah bah, je veux dire, le temps, je veux dire, on a entendu Deleuze. Deleuze a parlé des cinéastes quand même qui utilisaient le temps. Par exemple, Tarkovsky est un cinéaste du temps. Mais Mais ces procédés-là, on le savait déjà il y a 50 ans, mais on ne faisait pas des films comme ça. Ben, surtout... Est-ce que c'est le temps qu'il faut pour que la science et le cinéma se rencontrent ou, enfin, ben, c'est aussi... il fallait un amuseur qui s'intéresse à ça, parce que c'est un entertainment, Nolan. Et l'idée n'était pas de faire des films à réessayer, de faire des films théoriques, des films réflexifs. Il ne va pas faire un livre de philo, mais il va nous inviter à philosopher avec James Bond ou avec la science-fiction, avec avec la guerre de 40. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que il a fallu attendre un réalisateur qui soit fou de cinéma d'action, de grands spectacles, et qui puisse, qui soit en même temps friand de ces concepts. C'est ça. Et de mélanger les deux et de réussir à avoir suffisamment de succès pour que les studios, parce que vous savez, le cinéma c'est énormément d'argent, donc et on vous donnera de l'argent tant que vos films rapportent plus qu'ils ne coûtent, et donc il faut réussir, et Nolan c'est ça, et c'est très intéressant de l'entendre tout à l'heure quand il dit que finalement au montage ces films ne bougent pas, parce qu'évidemment c'est une telle construction que vous pouvez pas changer l'ordre des séquences. Par contre, il faut travailler le rythme, et c'est que on peut pas dire des films de Nolan que c'est juste des constructions vertigineuses. Si ces films nous incitent tant à en parler, à essayer de creuser, c'est qu'en même temps il nous excite, il crée des sensations. Il y a le personnage de Clémence Peuzy qui dans Tenet dit il faut ressentir, et les films de Nolan on les ressent, et c'est ça qui nous incite à creuser. Et pour ça il faut qu'il soit profondément bien mis en scène, qu'il y ait un sens du rythme, qu'il y ait un sens de la composition du cadrage. Ce qu'il faut dire ici, c'est que c'est quelqu'un qui a remis en valeur le tournage en 70 mm, c'est-à-dire en très grand écran, et d'ailleurs le film vous pouvez le voir dans des salles IMAX avec un écran maximal où il y a trois copies qui se baladent en France en 70 mm. C'est-à-dire que l'expérience du cinéma fonctionne chez lui avec l'immersion. Et peut-être que dans l'histoire du cinéma, on n'avait aucun cinéaste du temps qui avait voulu à ce point travailler l'immersion du spectateur. Et ça, ça passe par le retour à la pellicule, par le travail sur le grain, par le travail sur le film lui-même. C'est un fou de cinéma. Et cette folie, cet amour fou, il la communique à ses spectateurs. Et il l'entraîne dans cette espèce de vertige. Et c'est cette immersion qui, en même temps, l'immersion nous empêche de réfléchir. On revient au magicien qui fait ses tours, et voilà. Et dans Le Prestige, on dit bien que ça se passe en trois parties. C'est-à-dire qu'il y a les prémices. Au départ, on vous montre un jeu de cartes, un truc où ça a l'air banal. Après, il y a le tour lui-même, où vous êtes bluffé, et le prestige, eh ben, c'est quand tout d'un coup vous apercevez que ça va bien au-delà du tour que vous avez vu. C'est que non seulement on a fait disparaître la jeune femme dans la boîte, mais elle réapparaît à un autre endroit que dans la boîte. C'est ça le prestige, c'est réussir à vous surprendre. Et quand on voit un film de Nolan, c'est ça, c'est-à-dire qu'on part voir un James Bond, et puis tout d'un coup on voit autre chose, et c'est qu'à la toute fin qu'on comprend que cette autre chose, c'est encore autre chose qui nous a été proposée, et ce qui nous amène sans cesse à réfléchir à ce qu'on voit, et ceux qui aiment Nolan aiment revoir ces films pour cette raison-là. C'est qu'à chaque fois qu'on les revoit, on voit de nouvelles choses qui sont pourtant là, mais qui nous invitent à déployer nos sens et notre réflexion autour de cet univers. I don't even know how long she's been gone. It's like I've woken up in bed and she's not here. Because she's gone to the bathroom or something. But somehow I just know she's never gonna come back to bed. Si je pouvais tendre le bras et toucher le côté où elle dormait, je sentirais qu'il est froid. Mais je suis cloué. Je sais qu'elle reviendra pas. Mais je veux pas me réveiller le matin en croyant qu'elle est encore là. Et je reste couché là, ignorant depuis quand je suis seul. Alors, comment guérir? Si. Comment faire mon deuil si je sens pas le temps? Comment faire mon deuil si je ne sens pas le temps qui s'écoule ? C'est une question redoutable, Philippe Rouillet, que pose le personnage amnésique ici. C'est extraordinaire parce qu'on est déjà dans le deuxième film, on est seulement le deuxième long métrage de Christopher Nolan, et il est déjà au cœur de son sujet, c'est-à-dire l'homme, l'être humain, et sa vie, sa mort, ses sentiments, ses sensations, et c'est assez audacieux comme sujet, mais c'est toujours ça. Et dans Tenet, qu'on dit tellement désincarné, il s'agit de quoi ? D'un super agent secret qui va être très chevaleresque avec une jeune femme en danger et son petit garçon. C'est-à-dire que il faut pas oublier que quand on regarde la filmographie d'un cinéaste qui s'engage comme Nolan dans ses films, il faut regarder sa vie en même temps. Et c'est vrai que au moment où il devient père, c'est quelque chose qui va dans Memento. Il n'est pas encore père et il va parler du deuil parce que il est amoureux. Mmh. Il est déjà avec celle qui est sa femme, qui est Emma Thomas, qui est sa productrice. Évidemment, ce qui peut arriver de pire quand on est amoureux de quelqu'un, c'est la perte de ce quelqu'un. Et ce deuil, et on y pense forcément dans notre bonheur. Et après, ça va évoluer quand on avec va Batman avoir... Begins notamment, Orphelin. Voilà. Mmh. Et quand on a un enfant, la relation qu'on a avec, la perte de l'enfant ou la perte du père. Qu'on retrouve dans Inception également. C'est l'histoire de Batman qu'on retrouve dans Inception et qu'on retrouve dans Interstellar. Voilà. Et c'est ça qui est beau et qu'on retrouve finalement aussi dans Tenet. Et simplement, le personnage dans Tenet va devoir renoncer, je veux dire, à son amour pour le personnage féminin pour pouvoir lui permettre de vivre sa vie de femme et de mère. Et pour ça, il passe par l'expérience du temps. Alors, c'est une autre chose que cette question très empirique. Dans Memento, le personnage n'arrive pas, pendant toute une partie du film, à avoir d'emprise sur le temps, puisqu'il y a cette maladie. Et il y a qu'au moment où il comprend qu'il peut se duper lui-même et duper les autres, que ça devient autre chose. C'est d'ailleurs presque à ce moment-là que le film se termine. Sauf que c'est la première séquence, et qu'on le découvre qu'à la fin. En fait, tout est toujours là, mais comme on est chez Nolan avec les personnages, il y a toujours une expérience. Ces films sont autant des expériences de vie, et les dernières scènes sont toujours très importantes, parce que c'est dans les dernières scènes, indépendamment de ce que ça raconte, puisque l'histoire peut aller dans tous les sens, c'est ce que disait Deleuze, c'est pas la question du flashback, dans quel sens on raconte l'histoire, mais à la fin du film, c'est quand même la fin du parcours. C'est quand même le moment où le personnage a compris ce qu'il était, et à chaque fois, ça se teint d'une extraordinaire mélancolie, la mélancolie de vivre. Et les films de Nolan, tout ronflants qu'ils sont, tout pétaradants, tout exaltants qu'ils peuvent être, nous incitent à la mélancolie. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on aime tant les revoir, parce que être cinéphile, aimer le cinéma, c'est aussi faire une expérience de la mélancolie et du temps qui passait et ne reviendra pas et qu'on aimerait retrouver. Expérience de la mélancolie que l'on retrouve dans la BO de Memento, avec notamment cette chanson de David Bowie, Something in the Air. Of no return, and there's something in the air. continue en studio. Philippe Rouillet, merci beaucoup d'être venu ouvrir cette semaine sur Christopher Nolan ce matin. Merci à vous, merci beaucoup. Et je renvoie à la lecture de votre ouvrage d'entretien avec Haneke. Vous l'avez coécrit avec Michel Ciotat. Haneke par Haneke, le trouve aux éditions Stock. Et puis aussi le cinéma gore, une esthétique du sang aux éditions du Cerf. Sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps d'accueillir Aurélien Bélanger pour sa chronique quotidienne. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien Bélanger. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de la une de Charlie Hebdo, celle qui était publiée à nouveau à l'occasion de l'ouverture du procès des fameuses caricatures. Alors c'est une une que je connaissais déjà avant de l'avoir vue, tout ça pour ça. Une une qui était déjà en couverture d'un de mes boulets Bill et qui servait d'argument à plusieurs textes de Borges et qui figurait même sur toutes les boîtes de Vache qui rit. Il s'agit bien sûr d'une mise en abîme. C'est une une qui reprend la une du numéro qui reprenait les caricatures danoises de Mahomet avec de part en part, comme dans un drôle de triptyque, la republication des pages internes du Charlie d'alors remplies de petits Mahomet qui rappellent ces planches par lesquelles les auteurs de BD représentent les différentes émotions de leur personnage. On peut parler d'une une événement. Mais l'événement, pourtant, s'est déjà produit. Il s'agit dès lors d'une une commémorative, ce qui va bien avec son aspect bizarrement tautologique, tautologie chère à Clément Rosset. La tautologie, une une sur une, un trou dans l'image. Le procédé rappelle ces mosaïques que la presse magazine affectionne pour fêter ses numéros anniversaires d'anciennes unes rétrécies venant former ensemble une nouvelle une. Mais il n'y a ici que trois vignettes. On serait ainsi plutôt du côté de la bande dessinée, du strip, quelque chose de propre justement à l'essence de Charlie Hebdo, au titre inspiré par Charlie Brown, le héros des abusés des Peanuts. Un strip en trois cases auquel il manquerait bien sûr la chute. La chute, tout le monde la connaît, peut reconstituer la case manquante. La chute, c'est l'attentat de 2015. Tout ça, pour ça, la tautologie comme synonyme de sidération. Le journal serait resté prisonnier du jour de l'attentat. Mais cela n'est pas exactement ce que dit cette une, qui est de l'ordre de la mise en abîme plutôt que de la tautologie. La perspective classique assigne une place au spectateur à l'extérieur de l'image. La mise en abîme le fait soudain basculer à l'intérieur de celle-ci. Il est happé par une énigme visuelle. Une mise en abîme, c'est une image qui se regarde elle-même et qui défie ses propres conditions d'existence. Personne n'a jamais vu dans un champ la vache de la vache qui rit, qu'il ne peut pas exister. La mise en abîme n'est donc pas une véritable image. Sa redondance dissimule une sorte de défaillance. Donc ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas voir dans... il faut voir dans cette une un paradoxe, c'est-à-dire que tout en dénonçant l'iconoclasme, celle-ci est elle-même iconoclaste. C'est en tout cas ce qui est passionnant ici. Cette une qui défend le droit de publier des images est problématique, non pas tant dans son contenu que dans sa forme. Sommes-nous bien devant une image ou devant autre chose? On peut aussi reconnaître là ce qu'on appelle dans la presse un chemin de fer, un journal ouvert, mis à plat et transformé, le temps qu'on le fabrique, en une sorte de bande dessinée. De fait, cela serait la réponse la meilleure de Charlie à ses détracteurs. Ce que montrerait le journal, ce serait le journal lui-même, en tant qu'il continue à se faire. Ce que montreraient ses illustrations, ce serait qu'on peut continuer à faire des illustrations. C'est la liberté de la presse, au risque du ready-made, au risque en tout cas de la re-sacralisation de l'image. Le message principal de Charlie Hebdo, ça serait qu'il existe encore. Ce que dit cette une de Charlie, c'est que Charlie n'a pas peur, c'est le sens de cette mise en chaîne. Charlie n'a pas peur sans doute, mais ce sont les images qui tremblent. Elle est là sans doute la solution de l'énigme visuelle de cette une. Ce n'est pas le courage d'une rédaction qu'elle exhibe, c'est le courage nu des images. Des images comme des entités toujours confrontées au risque de l'iconoclasme, des images qui retiennent leur souffle et qui, dans cet instant suspendu qu'on appelle mise en abîme, rêvent peut-être d'un monde qui serait à elle, où elle serait vivante et où nous serions menacés d'effacement, un monde inversé où ce que nous appelons iconoclasme serait remplacé par le spectacle symétrique d'un massacre. Merci Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des chemins de la philosophie de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des chemins de la philosophie qui m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Avril Poignant-Le Goff avec Manon de la Selle, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, qui s'occupe du site internet des chemins de la philosophie, sachez-le, qui reproduit toutes les citations des invités. C'est un site extrêmement fourni et je l'en remercie. Laurence Malanda qui a réalisé cette émission. C'était Alexandre Dang à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Christopher Nolan, dans le cerveau de Christopher Nolan. Demain, on sera en compagnie de Lionel Nakache. on évoquera Inception et le hold-up, le braquage de l'inconscient. Et oui, on parlait de malaise, malaise il y aura, mais aussi film génial. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture. Vous pouvez la télécharger, la podcaster. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.